elle pourra dire Raymond. Celui que je croyais éternel, ses yeux que tu adorais jadis, sont des étangs secs, sans poissons, sans vie. Mes murs, jadis si admirés, si solides, reposent en ruine par ta trahison ou ton abandon. Des soldats de Rome et de Carthage dévastent mes ruisseaux et mes vallées fertiles. À l'âge de 34 ans, tu as rejeté ma fidélité, croyant des rumeurs et des témoignages étranges, des vagues silencieuses que tu as laissées mûrir. Ma vie, jadis chant choral, est un staccato d'adieu mélancolique, chant de bataille. Je ne t'ai jamais caché qu'en ma jeunesse, j'ai convoité des images étrangères. Mais tu diras que ma plus grande faute fut d'avoir toujours été sincère avec toi. À 38 ans révolus, aujourd'hui ma fidélité et les formes et dimensions de la mélancolie rugissent comme les vagues dans ma mer tourmentée. Sincère avec toi.